Alors ce soir, dans les textes de la parole de Dieu qui nous sont proposés, on parle entre autres de veuves, de ces veuves de tous les temps, donc celles d'abord de l'Ancien Testament, celles du temps de Jésus, et on sait bien que c'est de tous les temps parce que le décès frappe toujours. Dans l'Ancien Testament, les veuves étaient entourées par Dieu d'une protection spéciale, d'un amour spécial. Il y a même des commandements que Dieu avait donnés à son peuple qui les concernaient spécialement, c'est-à-dire qui concernaient spécialement les gens pour en prendre soin, un soin particulier. La Bible prend soin et parle de prendre soin d'une façon particulière de la veuve, de l'orphelin et aussi de l'étranger, de celui qui n'est pas chez lui complètement dans la ville où étaient les Juifs. Pourquoi prendre soin spécialement de la veuve et de l'orphelin? Eh bien, c'est souvent perdant leur mari, souvent ils perdaient aussi tout moyen de subsistance. Et ils entraient dans une précarité, souvent même obligés de mendier. La scène avec le prophète Élie est, en ce sens d'ailleurs, étonnante. Parce que Dieu envoie Élie demander de la nourriture, mais il l'envoie vers une veuve. Normalement, c'est la veuve qui demande. Mais là, le Seigneur dit au prophète Élie, c'est un temps de famine dans lequel ils sont, c'est un temps de sécheresse. Il lui dit, va dans la ville de Sarepta et là, j'ai ordonné à une veuve de subvenir à tes besoins. Donc, Élie s'en va, part dans cette région, c'est pas la région des Juifs, c'est une région au nord, un peu au sud de la ville de Sidon. Donc, Élie devient un étranger, devient un pauvre dans cette région. Et là, il aperçoit cette veuve qui ramassait du bois et lui demande, « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? » Parce que Élie a justement même pas de cruche pour puiser de l'eau. Oui, il y a un puits, mais il n'a rien pour puiser de l'eau. Et cette femme, donc, dans sa bonté, elle va puiser de l'eau et elle lui en donne. Mais ensuite, il lui demande, « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Et là, la femme, un peu, probablement avec beaucoup d'émotion, de tristesse, le texte dit pas, mais peut-être même que, peut-être avec des larmes, elle dit, « Je le jure par la vie du Seigneur, ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » En fait, Élie, demandant un peu de pain à cette pauvre veuve, touche un point sensible. Et en fait, il touche le point sensible qu'elle est rendue à l'extrême limite. Elle-même n'a plus rien. Elle n'a plus de pain. Il lui reste une poignée de farine, un tout petit peu d'huile. Et après, elle est un peu découragée parce qu'elle dit, je vais faire cuire ça, mais après c'est fini, on n'a plus à manger, donc on va mourir de faim. Et c'est une période de sécheresse. Et puisque quand c'est une période de sécheresse, tout le monde en souffre. Et souvent, il n'y a plus même d'aumône pour les pauvres. Parce que tous sont dans la précarité. Donc, toute déçue, triste, elle répond très simplement à Élie. Elle lui dit, « Ben, je peux même pas t'aider. » Élie, qu'est-ce qu'il lui répond? Élie lui dit, « N'aie pas peur. N'aie pas peur. Va, fais ce que tu as dit, c'est-à-dire ramasse ton bois, va faire cuire, va prendre la farine, va faire cuire une galette. Mais il lui dit, d'abord, cuis-moi un petit pain, apporte-moi-le, ensuite tu feras du pain pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle le Seigneur. Et là, le prophète Élie lui dit la motivation de son geste. Car le Seigneur dit, te dit, jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. Élie invite cette femme pauvre à faire un acte de foi. Et en plus de son acte de foi, donc, hein, il lui dit, n'aie pas peur, donc entre dans la confiance dans ce Dieu qui pourvoit à tout. Mais il lui dit, non seulement entre dans la confiance, dans la foi, mais aussi lui dit, entre aussi dans ce mouvement de charité à laquelle il nous invite. Donc, prépare-moi d'abord une galette, du peu que tu as, partage-le déjà. Et ensuite, retourne chez toi, prépare-toi aussi une galette et tu verras, ta jarre de farine ne s'épuisera pas. Et la femme, probablement un petit peu tiraillée, je le fais-tu, je le fais-tu pas, elle s'en retourne chez elle, elle décide de croire dans les paroles de cet homme, cet étranger qui vient vers elle. Elle décide d'avoir aussi cette compassion pour lui donner du peu de pain qui lui reste. Et finalement, le Seigneur a accompli ce qu'il avait promis. Le texte nous dit, « Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par la bouche d'Élie. » Eh bien, le Seigneur ici nous invite par cette parole à entrer dans cette foi du prophète et cette foi de cette veuve. C'est-à-dire de faire confiance en tout, en Dieu, même lorsqu'on semble s'avancer vers un mur ou vers une détresse immense, même lorsque tout semble perdu. Eh bien, même dans ces situations, Dieu et Jésus nous invitent, surtout, ne perds pas ta charité. Même dans ta précarité, vis la charité. Et si tu vis la charité, même dans ta précarité, tu vas tout à coup te brancher à une source inépuisable, à savoir Dieu, source de tout bien. Et non seulement il te permettra d'aider l'autre pauvre à côté de toi, mais en plus, il te permettra toi-même d'avoir tout ce dont tu as besoin. Dans ma famille, en fait, j'ai connu de près c'est quoi être veuve. Ma mère était veuve. Mon papa est mort quand j'étais jeune, quand j'avais presque 5 ans. On était 3 enfants. Ma mère avait 36 ans. Mon père est mort subitement. C'était pas du tout prévu. Il est mort au travail d'un arrêt cardiaque. Et ça a été un choc énorme, évidemment. Et tout de suite, ça l'a comme plongé, sans le vouloir, mais réellement quand même, la famille dans la précarité, parce que ma mère était à la maison, prenait soin de nous. Elle n'avait pas de revenus, mon père n'avait pas de grosses assurances qui rembourseraient, qui se viendraient à tout. Donc c'est vrai que souvent, la perte d'un être cher, en plus de nous bousculer, de briser un projet qui était censé être pour deux, en plus, souvent ça vient plonger les personnes autour dans une précarité très réelle et concrète. Mais je rends grâce à Dieu parce que j'ai vu de mes yeux que même la précarité ne tue pas la générosité. Et de fait, ma mère était dans la famille très connue pour sa profonde et réelle générosité. Du peu qu'elle avait, elle le partageait. Et elle n'avait pas beaucoup de sous, mais elle avait toutes sortes de petits talents, de couture, de coiffeuse, etc. Puis, généreusement, elle donnait de son temps et elle donnait de ses services. Et même le repas du jour de l'an, c'était elle qui recevait tout le monde. Il pouvait être 50, 60, 70 personnes dans la maison. Et généreusement, elle se donnait. Encore une fois, peu ou pas de revenus. Des fois, on a été aidé par la Saint-Vincent-de-Paul. Au moment même, on est arrivé à une grande difficulté, à savoir la maison dans laquelle on était un peu délabrée, tombait un peu en morceaux. Il fallait décider ou bien on rénove ou on rebâtit, mais dans les deux cas, on n'avait pas d'argent. Et là, j'étais témoin du doigt de Dieu qui, dans sa générosité, a posé sa main. Je me souviens encore, c'était pendant une de ces fêtes du jour de l'an où toute la parenté était rassemblée. Et puis, l'un ou l'autre disait, ça n'a pas de bon sens là, de rester dans cette maison-là. Et mes oncles et mes cousins et toutes sortes de personnes se sont mis à discuter entre eux. Et là, un de mes oncles dit, ben moi j'ai du bois, j'ai une terre, on pourrait aller bûcher. Moi, je donne le bois s'il y a du monde qui vient bûcher. Puis un autre de mes oncles se sont parlé, puis il était habile manuellement. Alors, ils ont dit, ben on pourrait faire des travaux. Et puis, un autre de mes cousins était électricien. Il dit, ben moi, je pourrais m'occuper un peu de l'électricité. Et finalement, mon frère a pris un cours. Il était au cégep, puis il a pris un cours de dessin de maison. C'est lui qui a fait les plans. Et bref, cette précarité a été l'occasion de susciter une charité. Et je vois que Dieu a béni. Et finalement, on l'a bâti, cette maison. C'était en 93 et il y a eu des corvées tout au long de l'été. Et même si ma mère n'avait rien ou très peu, eh bien, elle s'est construite et Dieu l'a bénie dans ses besoins. Donc, pourquoi je vous dis ça? Eh bien, c'est pour qu'on constate que même si on est dans la précarité, on peut être généreux, encore une fois. Comment on s'occupera des soucis de demain ou de ceux de dans 2 ans, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. D'ailleurs, dans le même sens, des fois c'est les veuves qui sont dans la précarité, mais des fois c'est les étudiants ou les jeunes travailleurs. Je ne sais pas si vous connaissez cette situation. Mais il y a une situation ou l'autre qui m'a souvent touché, c'est que des fois on fait des activités ou des services jeunesse. Et des fois, on fait des demandes de dons et autres, là. Et je me souviens que quelques années de suite, une jeune m'arrivait avec un don quand même assez considérable, là, quelques centaines de dollars pour les événements, pour que d'autres jeunes puissent découvrir le Seigneur. Mais je lui disais, mais il me semble que t'es pas un peu serré, toi, financièrement. Et puis elle disait, t'inquiète pas. Mon père, c'est une entente avec mon père et il va s'arranger pour le reste. Et je me souviens l'une ou l'autre fois, pas longtemps après, elle était venue me dire avec beaucoup d'enthousiasme que le Seigneur l'avait béni, que le Seigneur l'avait renouvelé dans son travail aussi et même qu'elle avait eu elle-même de grande générosité d'une ou l'autre personne pour des sous pour un événement qu'elle préparait. Bref, c'est encore des témoignages d'appel à la foi et d'appel à entrer dans le dynamisme de la charité profonde à laquelle Dieu nous appelle. Voilà, donc il y aura encore bien des choses à dire. Lorsqu'on perd des êtres chers, des fois, ce qu'on n'a pas beaucoup, c'est de la joie. Parce qu'on a perdu quelqu'un de cher. Eh bien, même dans ces situations-là, je vous invite et je nous invite tous à choisir de consoler les autres, même si parfois c'est nous qui avons besoin d'être consolés, de prendre la décision de dire, eh bien, je vois quelqu'un qui a besoin à côté de moi, je vais aller lui parler. Je vais aller faire quelque chose Et puis vous allez voir Dieu lui-même par vous consolera cette personne, mais en plus il vous redonnera à vous de la joie, peut-être cette joie que vous aviez perdue. Parce que, encore une fois, notre Père, il est riche en amour, il est riche en miséricorde, il est riche en toutes sortes de biens et largesses. Seigneur, on se tourne vers toi ce soir. Toi qui es la source de tout bien, on t'offre notre pauvreté, notre indigence, mais fais-nous entrer dans cette joie de prendre soin du prochain, de celui ou de ceux qui sont autour de nous, qui nous manifestent de leurs besoins. Oui, Seigneur, donne-nous de faire ce qu'on peut pour les aider, et même du peu qu'on a, de le partager avec ceux qui ont besoin. Amen.